La Bretonne par André Theuriet. Un soir de novembre, veille de Sainte-Catherine, la grille de la maison centrale d'Aubrive tourna sur ses gonds et laissa passer une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une robe de laine déteinte, coiffée d'un bonnet de linge qui encadrait d'une façon étrange son visage pâle et bouffi de cette graisse blafarde que développe le régime des prisons. C'était une détenue qu'on venait de libérer. Ses compagnes de détention l'appelaient la Bretonne. Condamnée pour infanticide, il y avait juste 6 ans qu'une voiture cellulaire l'avait amenée à la centrale. Après avoir repris ses hardes et touché au greffe son pécule, elle se retrouvait enfin libre avec sa feuille de route visée pour Langres. Le courrier de Langres était parti. Intimidée, gauche, elle se dirigea en trébuchant vers la principale auberge du pays et d'une voix mal assurée, il demanda un gîte pour la nuit. L'auberge était pleine et l'aubergiste, qui se souciait peu des bergers de ces oiseaux-là, lui conseilla de pousser jusqu'au cabaret situé à l'autre bout du village. La Bretonne s'en alla, plus gauche et plus effarée encore, frappée à la porte de ce cabaret, qui n'était à proprement parler qu'une cantine pour les terrassiers. La cabaretière la toisa d'un œil méfiant, flairant sans doute une femme de la centrale, et finalement la renvoya en prétendant qu'elle ne donnait pas à coucher. La Bretonne n'osa pas insister. Elle s'éloigna la tête basse, tandis qu'au fond d'elle-même s'élevait une haine sourde contre ce monde qui la repoussait. Elle n'avait plus d'autre ressource que de gagner Langres à pied. Fin novembre, la nuit vient vite. Elle se trouva bientôt enveloppée d'ombre, sur la route grise qui fuyait entre deux lisières du bois, et où le vent du nord soufflait rudement en éparpillant des paquets de feuilles mortes. Après 6 ans de vie sédentaire et recluse, elle ne savait plus marcher. Les articulations de ses genoux étaient comme nouées. Ses pieds accoutumés aux sabots étaient gênés dans des souliers neufs. Au bout d'une lieue, elle eut des ampoules et se sentit déjà lasse. Elle s'assit sur un mètre de pierre, frissonnant et se demandant si elle allait être obligée de crever de froid et de faim par cette nuit noire, sous cette bise glacée qui la morfondait. Tout à coup, dans la solitude de la route, à travers les rafales du vent, il lui sembla entendre les sons traînants d'une voix qui chantait. Elle prêta l'oreille et distingua la cadence d'une de ces chansons caressantes et monotones avec lesquelles on berce les enfants. Alors, se remettant sur pied, elle marcha dans la direction de cette voix, et au détour d'un chemin transversal, elle aperçut une lueur qui rougeoyait parmi les branches. 5 minutes après, elle atteignait une masure de torchis, dont le toit couvert de mottes de terre était appuyé à la roche, et dont l'unique fenêtre laissait passer un rayon lumineux. Le cœur anxieux, elle se décida à heurter. La chanson s'arrêta et une paysanne vint ouvrir. Une femme du même âge que la Bretonne, mais déjà vannée et vieillie par le travail. Son casaquin, crevé par endroits, montrait la peau terreuse et hâlée. Ses cheveux roux s'échappaient en désordre de dessous un petit bonnet d'étoffe. Ses yeux gris regardaient avec ébahissement l'étrangère, dont la figure avait quelque chose d'insolite. « Bonsoir donc, » dit-elle en soulevant la lampe à bec qu'elle tenait à la main. « Que désirez-vous ? » « J'en en puis plus, » murmure la Bretonne d'une voix sourde et un sanglot. « La ville est loin. Et si vous vouliez me loger pour cette nuit, vous me rendriez service. J'ai de l'argent et j'opérerai de votre peine. »« Entrez, » répondit l'autre après un moment d'hésitation. Puis elle continua d'un ton plus curieux que méfiant. « Pourquoi n'avez-vous pas couché à Aubrive ? On n'a pas voulu me loger. » Et baissant ses yeux bleus, la Bretonne, prise d'un scrupule, ajouta « Parce que voyez-vous, je sors de la maison centrale, et ça ne donne pas confiance aux gens. Ah, entrez tout de même. Je ne crains rien, moi, n'ayant jamais eu que de la misère. Il y a conscience de laisser une chrétienne à la porte par un froid pareil. Je vais vous faire un lit avec une jonchée de bruyère. » Elle alla prendre sous un hangar des brassées de bruyère sèche et les étendit dans un coin près de la cheminée. « Vous demeurez seul ici ?» demanda timidement la Bretonne. « Oui, avec ma gâchette qui court sur ses 7 ans. Je gagne notre vie en travaillant au bois. Votre homme est mort ? Je n'en ai jamais eu, » dit la fleuriote brusquement. « La pauvre gâchette n'a pas de père. » »« Enfin, à chacun ses mots. Voilà votre lit fait, et voici 2 ou 3 pommes de terre qui restent du souper. C'est tout ce que je puis vous offrir. » Elle fut interrompue par une voix enfantine partant d'un bouge noir séparé de la pièce par une cloison de planches. « Bonne nuit, reprit-elle. « Je vais retrouver la petite qui s'est peur. Tâchez de bien dormir. » Elle prit la lampe et gagna le cabinet contigu en laissant la bretonne dans l'obscurité. Celle-ci s'était étendue sur les bruyères. Après avoir mangé, elle essayait de fermer les yeux, mais le sommeil ne venait pas. À travers la cloison, elle entendait la fleuriote causant à mi-voix avec sa petite, que l'arrivée de l'étrangère avait réveillée et qui ne voulait plus se rendormir. La fleuriote la dodelinait. Elle l'embrassait avec des paroles caressantes, dont la naïve expression remuait singulièrement la bretonne. Cette explosion de tendresse réveillait un confus instinct maternel enfoui dans le sein de cette fille condamnée jadis pour avoir étouffé son nouveau-né. La bretonne songeait que si les choses n'avaient pas mal tourné, son petit à elle aurait eu l'âge de cette fillette. À cette pensée et au son de cette voix enfantine, elle frissonnait jusque dans les entrailles. Quelque chose de doux se fondait dans son cœur aigri, et elle avait grandement envie de pleurer. « Allons, ma gâchette, » disait la fleuriote, « dépêchez-vous de dormir. Si vous êtes sage, je vous conduirai demain à la foire de la Sainte-Catherine. » « La Sainte-Catherine, c'est la fête des petites filles, n'est-ce pas, maman ?»« Oui, mamie. Est-ce vrai que ce jour-là, Sainte-Catherine apporte des joujoux aux enfants ?»« Oui, quelquefois. » »« Pourquoi est-ce qu'elle n'en apporte jamais chez nous ?»« Nous demeurons trop loin, et puis nous sommes trop pauvres. » »« Elle n'en porte que riche, alors. »« Pourquoi ? Moi aussi, j'aimerais avoir des joujoux. » »« Eh bien, un jour, si vous êtes gentil, si vous vous endormez sagement, elle vous en donnera peut-être. » « Alors je vais dormir, pour qu'elle m'en apporte demain. » Un silence, puis un souffle égal et léger, l'enfant s'était assoupi, la mère aussi. La bretonne seule ne dormait pas, une émotion poignante et tendre à la fois lui serrait le cœur, et elle pensait plus fort que jamais à ce petit qu'elle avait jadis étranglé. Cela dura jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Au petit jour, la fleuriote et son enfant dormaient serrés. La bretonne se glissa furtivement dehors, et marchant hâte dans la direction d'Aubrive, ne s'arrêta qu'aux premières maisons. Là, elle remonta l'unique rue, regardant les enseignes des boutiques. À la fin, l'une d'elles parut fixer son attention. Elle frappa au volet et se fit ouvrir. C'était une boutique de mercerie, contenant aussi des jouets d'enfants, de pauvres jouets défraîchis, poupées de carton, arches de Noé, bergeries. Au grand ébahissement de la marchande, la bretonne acheta tout, paya et sortit. Elle reprenait le chemin du logis de la fleuriote quand une main s'abattit sur son épaule. Elle se retournait et tressaillit en se trouvant en face d'un brigadier de gendarmerie. La malheureuse avait oublié qu'il était défendu aux détenus libérés de séjourner aux abords de la maison centrale. « Au lieu de vagabonder ici, vous devriez être à Langres, » dit sévèrement le brigadier. « Allons, en route !» Elle voulut s'expliquer, peine perdue. En un clin d'œil, on réquisitionna une charrette. On les fit monter sous l'escorte d'un gendarme et fouette cochée. La charrette roulait en cahotant sur la route gelée. La pauvre bretonne serrait d'un air navré son paquet de joujoux entre ses doigts transis. À un tournant de la route, elle reconnut le sentier fuyant sous bois. Son cœur sauta et elle supplia le gendarme de s'arrêter. Elle avait une commission pour la fleuriote, une femme qui demeurait là à deux pas. Elle suppliait avec tant d'énergie que le gendarme, bonhomme au fond, se laissa fléchir. On lia le cheval à un arbre, puis on remonta le sentier. Devant la porte, la fleuriote fendait du menu bois. En revoyant sa visiteuse en compagnie d'un gendarme, elle resta bouche bée et les bras ballants. « Chut !» fit la bretonne. « La petite dort-elle encore ?»« Oui, mais... » « Portez ses joujoux doucement sur son lit et dites-lui que c'est Sainte-Catherine qui les lui envoie. » J'étais retourné à Aubrive pour les quérir, mais il paraît que je n'en avais pas le droit et on me ramène à Langres. « Sainte Mère de Dieu !» s'écria la fleuriote. « Chut !» Elles s'approchèrent du lit. Toujours suivie de son escorte, la bretonne éparpilla sur les couvertures les poupées, l'arche et la bergerie, baisa le bras nu de l'enfant endormi et se retournant vers le gendarme qui se frottait les yeux. « Maintenant, » dit-elle, « nous pouvons partir. » C'était « La bretonne » par André Theuriet.